Rappelle que cette chronique est une commandite de BA Metal. On va parler avec Sébastien Marceau. Salut Sébastien. Salut Denis. Sébastien, qu'est-ce qui se passe de bon au club de golf de Lebeau? C'est une couple de semaines qu'on ne s'est pas parlé, donc arrive-moi, qu'est-ce qui se passe? La semaine passée, on a eu un tournoi de membres qui s'appelle le 666. OK. On a eu 24 équipes, donc 48 personnes qui ont joué, 48 membres. OK. C'était très populaire. Gagné dans le 2A par le père-fils Vincent Lemieux et son père Martin Lemieux. OK. Eux autres qui ont joué moins 4. La semaine d'avant, on a eu un petit Calcutta membre aussi. On a eu 52 personnes. Encore une très belle participation. OK. Les activités qu'on a eues dernière semaine. La semaine prochaine, si ça en vient, samedi dimanche, on a le Dolbeau-Saint-Brime. Ouais, c'est fait, OK. Le Calcutta-Dolbeau-Saint-Brime en fin de semaine, le 8 et le 9. J'invite tout le monde à venir jouer, les membres à venir jouer ce beau tournoi-là qui va être, qui annonce une très belle température. Donc, ça va être très compétitif encore cette année. OK. Puis après ça, ben c'est ce qui s'est passé un petit peu au club de golf. On n'a pas eu vraiment de trous d'un coup. On n'a pas eu d'exploits vraiment. OK. On a encore la Ligue du COVID qui est encore là, les Ça va-tu membres. bien cette Et c'est ligue-là? Ça va-tu bien, oui? un petit peu moins populaire avec les retours de la balle et le décoquer. Mais en tout cas, on a quand même des gens qui continuent à jouer pareil. OK. Dis-moi, y a-t-il des promotions qui sont en cours actuellement? Il y a une couple de promotions qui sont là toutes les semaines, le jeudi 4 à 7, qu'il y a encore une promotion. Toute la semaine, après 4 heures aussi, il y a des promotions club de golf. Exactement, les prix, je peux pas vraiment te le dire, j'en ai pas dans ma tête, mais il y a des prix à toutes les semaines. OK. Donc, ça fait le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour, Danny, il n'y a pas d'autre chose pour moi. Donc, on s'en reparle bientôt. Donc, c'était Sébastien Marceau et cette chronique est une commandite de BR maintenant.